Micro ouvert. Micro, micro ouvert. Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Mais tais-toi quand tu parles. Attends, comment je te parle bien? Attends. Tais-toi quand tu parles. Le monde interlope des hackers. On ne sait toujours pas qui a piraté Sony Pictures en novembre dernier. Une opération aussi spectaculaire que dérangeante. Divulgation d'informations personnelles sur quantité de cadres de l'entreprise et leurs familles, emails et comptes Twitter détournés, serveurs paralysés, films volés. Avec un chantage à la clé, si vous ne renoncez pas à diffuser la comédie mettant en scène l'assassinat du président nord-coréen, nous passerons à la vitesse supérieure. L'agence de sécurité américaine NSA en est convaincue. Le coup venait de la Corée du Nord. Comme l'affaire Snowden l'a révélé, la NSA s'y connaît. Elle est elle-même engagée dans force opération de hacking à travers le monde, surveillant qui elle veut et prenant possession de systèmes informatiques entiers. Son principal concurrent, la Chine, qui est parvenue à siphonner le programme de fabrication de l'avion de chasse F-35. Le hacking n'a pas attendu Internet. Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, avait réussi dans les années 70 à bidouiller son téléphone pour appeler gratis partout dans le monde. C'est l'autre versant du hacking, celui qui explore principalement ce dossier. Comment des jeunes geeks deviennent capables, seuls ou à plusieurs, de pénétrer les systèmes les mieux verrouillés? Pour le plaisir de la performance ou celui de harceler, pour se faire de l'argent, ou au nom d'une cause plus ou moins réfléchie, le culte de la gratuité, la lutte contre l'oppression, la dénonciation des moyens de surveillance, du gentil petit hacker au prédateur d'État, en passant par les mafias, on peut parler d'un continuum dont les traits communs sont l'anonymat des auteurs et l'engagement dans les nouvelles courses aux armements propres au monde, numérique. Là, c'est le dossier spécial de la revue Books que vous trouvez en librairie du mois d'avril 2015. Retour à l'actualité belge avec les travaux du contournement de Couvain pris pour cible par des vandales. Des engins de chantier ont été abîmés. Des menaces ont aussi été proférées. On va retrouver Sarah Hendrix aux abords de ce chantier. Bonjour Sarah. Les opposants au projet étaient nombreux. Certains aujourd'hui semblent avoir décidé de se manifester. Bah oui, le week-end dernier, des personnes se sont introduites sur le chantier via l'accès qui se trouve juste derrière moi. Elles s'en sont prises très violemment à des engins de chantier, notamment en cassant des vitres. Et puis on a aussi retrouvé un message très mystérieux inscrit sur la porte d'un des containers du chantier. Un de nos collègues de la radio a pu prendre ce message en photo et il disait notamment « Les bâtisseurs du béton habités par Satan, vous avez sacrifié mes frères de la forêt, signé l'ange chevalier défenseur du ciel et de la terre. » Voilà, c'est vrai qu'un des arguments des opposants au projet, ce sont les dégâts occasionnés à la nature, puisque vous le voyez, la future route traverse véritablement les bois ici à Couvain. Voilà, alors c'est vrai qu'un des arguments des opposants au projet, ce sont les dégâts occasionnés à la nature, puisque vous le voyez, la future route traverse véritablement les bois ici à Couvain. Alors il est encore beaucoup trop tôt pour savoir s'il existe un lien direct entre ce message mystérieux et les actes de vandalisme. Ce qui est sûr par contre, c'est que ce n'était pas la première fois et aujourd'hui le parquet a décidé de réagir. Écoutez cette interview de Charlotte Fosseur. Depuis plusieurs mois, donc, nous avons eu différents dossiers de dégradation. C'était principalement au départ de nombreuses vitres cassées et des engins de chantier qui étaient fortement endommagés. Et puis donc aujourd'hui, là, vous prenez l'affaire très au sérieux. Oui, parce que l'un des derniers faits, les dégradations étaient telles que ça aurait pu avoir des conséquences extrêmement lourdes pour les ouvriers qui étaient susceptibles d'utiliser l'engin. Et donc nous avons même ouvert un dossier de tentative d'homicide. Nous avons donc décidé de mettre le dossier à l'instruction parce que certains devoirs vont être posés par le juge d'instruction et ne peuvent être posés que par lui. Alors de son côté, le bourgmestre de Couvain déplore des actes qu'il qualifie de crapuleux, mais vous allez l'entendre, il n'entend pas se laisser impressionner. C'est une utilité publique, ça a été longuement réfléchi. Nous avons, nous, Couvinois, attendu depuis 30 ans pour avoir l'aboutissement de ce projet-là. Maintenant, les personnes qui sont auteurs de ces faits doivent quand même bien se mettre dans la tête que ce n'est pas ça qui va arrêter le contournement de Couvain. Bien sûr. Donc, voilà, j'espère que je fais confiance à notre police locale et j'espère que ces faits-là vont s'arrêter très prochainement. Siem Belkodja, S-Y-H-E-M, Belkodja, B-E-L-K-H-O-D-J-A. Moi, ces terroristes, je les connaissais depuis 2001. C'est pas aujourd'hui. C'est depuis 2001 qu'ils se préparent. Il y a 25 chaînes coraniques qui étaient, ils sont aujourd'hui 140 chaînes coraniques. Extraordinaires, très bien faites. Et je l'ai dit, en France, partout dans le monde, s'il n'y a pas une solution dans nos quartiers, les djihadistes offrent à nos jeunes entre 50 000 euros et 100 000 euros. Et le gamin, même s'il travaille toute sa vie, de l'âge de 25 ans jusqu'à 60 ans, il n'aura pas ces 50 000 euros. Donc il peut vendre sa vie pour donner cet argent-là à sa famille, parce qu'il n'a pas le choix. Il est déjà mort lui-même. Vous dites toujours, il n'a pas peur de la mort. Non, il est mort parce qu'il est dans un café, sans rien faire, avec un diplôme, sans aucun avenir. Les frontières sont fermées, il n'y a pas de visa, il ne peut pas du tout voir ce qui se passe dans l'avenir. Voilà pourquoi il est complètement out. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Instant M. Des films, des séries, infiltration, tout chauffe, mais lecteurs. Bien, je suis désolé, un enjeu politique sur le net. Une touriste française interviewée en direct du musée Bardot à Tunis en plein assaut du commando qui y a ouvert le feu. On entend les balles siffler, c'était sur iTélé mercredi dernier. Les chaînes d'info n'ont-elles donc rien retenu des attentats de janvier? iTélé peut-elle revendiquer sa différence face au parti pris de sa principale concurrente, BFM TV? Est-on par ailleurs entré dans une ère où le traitement de l'information fait débat alors même que l'info est en train de se faire? Nouvelle vigilance citoyenne ou piège de la polémique instantanée et jetable? Je pose toutes ces questions à la directrice de l'info du groupe Canal+, dont iTélé est la filiale. Bonjour Céline Pigalle. Bonjour. Et vous, qu'en pensez-vous? Hashtag InstantM. Voilà, vous êtes ici à Jambes, au service public de Wallonie, au secrétariat général, dans un service qui s'appelle la Direction interdépartementale de la cohésion sociale. Je m'appelle Karine Janssen et je suis responsable de ce service. Ben, enchantée. Alors, pourquoi j'ai voulu vous rencontrer? C'est parce que je suis tombée, vous savez, Internet, c'est quand même un outil magique, vous ne trouvez pas? Bon, il y a tout et n'importe quoi, mais il y a aussi de tout. Mais des choses bien. Et donc, sur Internet, je découvre le plan de cohésion sociale. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de vous rencontrer. Si vous pouviez un peu expliquer l'origine, comment ça se fait qu'on décide un jour de créer un plan de cohésion sociale? Et d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est un plan de cohésion sociale? D'accord. Mais je vais peut-être commencer à vous expliquer à quoi nous servons et pourquoi nous avons été créés. Donc ici, ce petit service d'une quinzaine de personnes a été créé en 1992 avec la volonté de lutter contre la pauvreté et de le faire de manière coordonnée en associant tous les services, toutes les parties prenantes de la région wallonne, parce qu'on sait que la pauvreté est liée à l'exercice des droits et que toutes les compétences sont concernées. Et donc ce service a été d'abord créé sous une phase expérimentale et puis il est devenu une direction interdépartementale au départ de l'intégration sociale et maintenant de la cohésion sociale. Pourquoi cohésion sociale? C'est parce qu'on a repris une définition qui a été lancée par le Conseil de l'Europe qui dit que la cohésion sociale est la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres. Et le bien-être, on commence d'abord par l'assurer en vérifiant que chacun ait des droits, accès aux droits et un accès effectif aux droits qui sont garantis par des instruments juridiques européens ou belges, tels que la Constitution. Et donc, ça a été le départ. Ça veut dire que ce service, il travaille, la DIS, travaille avec toutes les directions générales, travaille au niveau wallon, mais travaille aussi de manière verticale avec les pouvoirs locaux et avec les associations de terrain. Et le premier, une des premières initiatives qu'on a eues, c'est de lancer un dispositif qui visait à aider les communes à lutter contre la pauvreté en s'associant avec des associations, le secteur associatif, pour faire mieux à plusieurs. Mais la commune restant le pilote. Et ça a commencé en 92 avec les actions de lutte contre l'exclusion sociale dans une septantaine de communes. Et puis 5 ans après, ce dispositif est devenu un peu plus ambitieux et est devenu le plan social intégré. Et on a une 100aine de communes avec non plus une action, mais un plan d'action. Et puis, changement de gouvernement, la volonté a été de travailler davantage dans une perspective de prévention de l'insécurité, prévention des risques. Et on a eu pendant 5 ans un plan de prévention de proximité. Mais dans les faits, c'était toujours des actions à vocation sociale qui étaient menées sur le terrain, même si le nom avait changé. Et alors, nous sommes en charge de la coordination, de l'accompagnement et de l'évaluation de ces dispositifs qui sont cofinancés par la région. Et nous avons fait l'évaluation du plan de prévention de proximité et on a fait des propositions au gouvernement pour développer un plan de cohésion sociale. Alors ce plan de cohésion sociale, il tire ses enseignements de l'évaluation et il vise à promouvoir l'accès effectif aux droits fondamentaux au niveau local. Parce que le niveau local est le niveau le plus proche du citoyen. Et donc, ce n'est pas qu'au niveau local qu'il faut agir, mais c'est au niveau local qu'on voit le mieux ce qu'il est utile de faire. Et donc, oui, pas. Oui, en plus, j'imagine, suivant, parce que vous donnez plein d'informations, c'est intéressant, mais on suit à... Hein. Donc, le départ du départ, c'est le Conseil de l'Europe qui lance... Non, le départ du départ, c'est vraiment la volonté de soutenir les communes pour travailler sur la lutte contre la pauvreté. Et puis, il y a un changement de cap qui se fait grâce au Conseil de l'Europe, où on prend conscience, parce que j'y suis aussi, il y a eu un comité européen pour la cohésion sociale dans lequel j'ai représenté la région Wallonne. Et donc, j'ai ramené cette idée de cohésion sociale. Et dès lors, on a un peu changé, nous aussi, notre objectif de service, c'est-à-dire qu'on s'est plus orienté sur la promotion de l'accès effectif aux droits fondamentaux, la lutte contre la pauvreté en faisant partie, mais c'est vraiment dans une volonté d'égalité entre les citoyens. Il y a toute une série de mesures, il y a toute une série de droits qui sont garantis, mais qui ne sont pas forcément effectifs. Et donc, par exemple, le droit au logement, il est dans la Constitution, mais chacun n'a pas un toit. Le droit au travail, il est dans la Constitution, mais chacun n'a pas un travail. Et donc, ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été un enjeu important, ce changement de paradigme, je veux dire, qui est beaucoup plus vaste, finalement, c'est la cohésion sociale plutôt que uniquement l'intégration dans la société. C'est vraiment un travail sur, à la fois sur soi-même et sur les autres, je veux dire, pour qu'il y ait un lien qui se fasse et qu'on arrive ensemble à construire une société dans laquelle il y ait moins d'inégalités et dans laquelle il n'y ait plus d'exclus. Mais j'imagine, on discute, hein, on est à l'aise, on est libre de dire ce que l'on veut. Mais quand on parle d'intégration ou de cohésion, quand vous dites que vous changez de paradigme, c'est bon, là on joue sur les mots, quoi, parce qu'à la base, il y a, en gros, je caricature à peine, mais pour que la pensée aille plus vite, bon, ben, il y a ceux qui n'ont pas de problème de logement, de travail, et puis il y a ceux qui ont des problèmes de logement, de travail, de santé. Et donc voilà, vous ne trouvez pas que c'est un peu jouer sur les mots et qu'au fond, ben, c'est pas vraiment ça le problème? Ah si, c'est vraiment ça le problème, je trouve. Les mots sont importants parce que derrière les mots, il y a du sens et il y a un engagement. Et quand on travaille pour que chacun ait les mêmes droits, ça veut dire qu'il faut forcément développer des mesures spécifiques pour des personnes qui ont moins de chances, qui ont moins facilement un accès à ces droits. Je suis d'accord. Par contre, si on cible uniquement la lutte contre la pauvreté, on va développer uniquement des mesures spécifiques. Et donc, mon souhait, mon engagement à moi ici dans ce travail, c'est de dire il faut que les droits soient les mêmes pour tous, qu'il y ait un socle d'égalité, qu'il y ait une politique universelle avec des mesures universelles qui touchent tout le monde, mais que ceux qui ont des difficultés à y avoir accès, on mette en œuvre des mesures spécifiques. C'est ça l'idée. Et entre cohésion sociale et inclusion sociale, c'est pas rien qu'une question de mots, parce que derrière ce vocable de cohésion sociale, si on prend l'acceptation qui en est faite par le Conseil de l'Europe, c'est vraiment promouvoir le bien-être pour tous et l'égalité. Oui, mais quand je dis ça, moi, évidemment, hein, imaginez bien que les mots ont leur importance, mais ah, c'est pas toujours évident de faire passer l'idée, mais... C'est pas depuis aujourd'hui qu'il y a des gens, qu'on remarque qu'il y a des gens qui ont plus difficile que d'autres. Est-ce que c'est véritablement... C'est plutôt ça, ma question, elle va s'affiner petit à petit, mais est-ce que c'est des moyens à mettre en place? Et évidemment, une cohésion sociale, enfin moi je l'entends, ce serait une cohésion... Le plan de cohésion sociale, ce serait que tout le monde soit d'accord... À même échelle pour défendre un objectif qui est le droit pour tous. La cohésion sociale, c'est... Est-ce qu'on a pris le temps de la définir, la cohésion sociale ? Je vous ai donné la définition du Conseil de l'Europe, qui est donc la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres. Il y a la définition que nous en avons donnée, qui est un peu similaire, mais un peu différente quand même, propre à la Wallonie, que nous en avons donnée dans le décret qui crée le plan de cohésion sociale et qui est l'ensemble des processus qui contribuent à assurer à tous les individus l'égalité des chances et des conditions, l'accès effectif aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel. Et donc, on voit qu'il y a une gradation. Il y a vraiment d'abord l'égalité des chances, puis l'accès aux droits, et puis le bien-être économique, social et culturel. Et donc le plan de cohésion sociale, il veut travailler sur l'accès aux droits, l'accès effectif aux droits. Et ça donne quoi alors dans le concret? Parce que si j'ai bien compris, c'est depuis quelle année vous avez mis 2009. Depuis 2009, on a lancé une première programmation pour 5 ans. De ce plan, et ce plan il est basé sur une construction qui d'une part repose sur des indicateurs d'accès aux droits fondamentaux qui sont déterminés par notre Institut Wallon de la Statistique, l'IWEPS, qui a défini par rapport à la moyenne régionale où se situe chaque commune wallonne en ce qui concerne l'accès aux droits. Et donc cet indicateur permet d'objectiver la situation de la commune. Donc c'est important pour les communes, ça permet aussi d'objectiver quel droit est le plus en difficulté dans chaque commune. J'ai oublié de commencer par le principal, c'est de dire le plan de cohésion sociale, comme il travaille, il vise à améliorer l'accès effectif aux droits fondamentaux, on a défini quels étaient les droits qu'on devait cibler. Ce sont donc les droits sur lesquels la région wallonne peut agir. C'est des droits de compétence régionale. Donc il y a le droit à une vie digne, il y a le droit à un logement décent, il y a le droit au travail, il y a le droit à l'épanouissement culturel et social, le droit à la formation. Et donc ces droits-là, ils peuvent tous être ciblés par le plan de cohésion sociale et ils sont mesurés par l'indicateur d'accès aux droits fondamentaux. Alors, deuxième intérêt de cet indicateur, c'est que la volonté du gouvernement wallon est de soutenir financièrement davantage les communes qui ont le plus de besoins. Donc cet indicateur permet aussi d'avoir une influence sur le montant de subventions allouées à la commune. Et ce montant est totalement objectivé, il est calculé automatiquement en fonction de cet indicateur et en fonction de la catégorie démographique à laquelle appartient la commune. Donc il n'y a pas d'influence du niveau politique sur la détermination des moyens alloués aux communes. C'est quand même aussi très important, c'est les communes qui ont le plus de besoins qui reçoivent le plus de moyens. Alors, deuxième élément qui permet de déterminer la nature du plan de cohésion sociale qui sera mené sur une commune, c'est le diagnostic que la commune doit faire. Et donc, elle doit diagnostiquer ses besoins, elle doit diagnostiquer ses forces et ses faiblesses, elle doit identifier ce qui existe sur son territoire par rapport aux droits qu'elle doit cibler et ce qu'elle devrait faire en plus. Et l'objectif du plan, donc, c'est de déterminer des actions coordonnées dans un plan qui répondent à la fois aux indicateurs et à la fois aux diagnostics, mais qui soient complémentaires par rapport à ce qui existe évidemment sur le terrain. Donc, s'il y a moyen de répondre à un besoin en Travailler en partenariat avec une association ou un service qui existe, on doit le faire prioritairement. Si ce service n'existe pas ou qu'on ne peut pas l'obtenir, son investissement sur la commune, on peut créer l'action, on peut créer un nouveau service ou on peut engager quelqu'un pour développer l'action. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'abord analyser les besoins, mettre en réseau les acteurs qui existent, donc ça veut dire qu'on doit identifier aussi toutes les parties prenantes sur la commune, et travailler en partenariat, la commune étant le maître d'œuvre, ayant un partenaire privilégié qui est son CPAS, et s'associant une série d'acteurs publics, privés, qui sont utiles pour développer le plan. Donc c'est ça l'idée. Alors c'est un plan qui est prévu pour 6 ans de mandature communale, mais qui est chaque fois décalé d'un an, c'est-à-dire qu'il est évalué par le conseil communal sortant. Donc maintenant, ça sera en 2018, l'année 2018, ça sera la fin du plan et l'évaluation. Et 2019, on aura le nouveau plan qui sera proposé par le nouveau conseil communal. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis bon, il y a encore d'autres choses à vous expliquer. Mais voilà. Et donc alors, ça donne quoi concrètement? Parce que là, on parle un peu de... Bon, c'est comme si on parlait un peu des règles. Hein, comment ça se passe concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Concrètement, il y a un chef de projet. Donc, on a déjà on a proposé ce plan aux 253 communes de langue française. Pour le premier plan, les années couvertes étaient 2009-2013. Maintenant, on est au deuxième plan, à la deuxième programmation, 2014-2019. Et on est à 181 communes sur les 253 et à 170 plans. Donc les plans, en fait, se développent... On a frappé à la porte. Vous voulez aller voir? Non. Si on n'assiste pas, je continue. Donc il y a 170 plans, si vous voulez, mais qui associent parfois plusieurs communes. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc on a 170 chefs de projet. Attendez, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc il y a 200 combien, vous m'avez dit? Il y a 262 communes wallonnes, oui. Mais il y en a 253 de langue française. Et nous ne sommes pas compétents pour certaines matières dans les communes germanophones qui devraient être touchées, impactées par le plan. Donc on ne peut proposer notre action qu'aux communes de langue française, 253, et il y en a 181 qui sont parties prenantes. Donc c'est un nombre très important de communes. Et elles sont parties prenantes, et les autres qui ne sont pas parties prenantes, elles ne sont pas obligées de prendre ce plan, quoi. Il y a une liberté. Personne n'est obligé, mais on voit bien que pour le premier plan, on était à 147 communes. Aujourd'hui, on est à 181 communes. Donc, c'est quand même qu'il y a eu des résultats qui ont été quand même probants et qui ont convaincu d'autres communes d'y adhérer. Et puis, il y a des moyens qui sont alloués, des moyens importants qui sont alloués par la région wallonne. Il y a des moyens en pouvoirs locaux. Le ministre des pouvoirs locaux alloue Paul Furlan 21 millions d'euros par an. Il y a la ministre Éliane Thilieu qui alloue des points APE, 473 points spécifiques qui permettent d'engager, de soutenir l'engagement de personnel. Et il y a le ministre Prévost, Maxime Prévost, qui lui alloue des moyens complémentaires à ce qu'on appelle l'article 18. Et l'article 18, c'est en fait l'article 18 du décret du 6 novembre 2008. Et le décret PCS dit dans son article 18 qu'il y a une possibilité d'allouer des moyens en plus au plan pour soutenir des associations partenaires du plan. Et c'est ce qu'il fait dans le cadre de l'action sociale, aussi pour 1,3 million. Les communes doivent aussi participer financièrement au minimum pour 25% de la subvention qu'elles reçoivent. Ah voilà, c'est ça aussi. Alors peut-être, je comprends mieux pourquoi les communes ne sont pas partantes, parce que a priori, ça semble... Vous voyez, il y a un subside pour aider à ce que ça circule mieux dans une commune et ses habitants. C'est intéressant comme idée, mais bon, évidemment, si alors la commune doit aussi... Elles sont tellement convaincues de l'intérêt qu'elles cofinancent pour une moyenne de 40%. Donc vous voyez qu'elles sont partantes. Hein. Et donc ça nous fait environ 34 millions d'euros en tout, par an, de moyens, avec 670 à peu près travailleurs à temps plein dans tous ces plans, dont 170 chefs de projet et des éducateurs, comme vous aviez vu dans votre annonce, et toutes sortes de travailleurs. Des conventions aussi de partenariat avec des transferts d'argent entre la commune et des associations partenaires, ou des mises à disposition de travailleurs. Donc il y a beaucoup de manières de collaborer et c'est un riche partenariat. Il y a une dizaines en moyenne d'associations partenaires du plan dans chaque commune. Et donc, expliquez-moi, parce que moi j'aime bien le concret. Et donc, pour défendre ces droits pour tous, qu'est-ce qu'on a pu remarquer après X années comme ça de concret dans ces communes ? Je suppose qu'il y en a qui marchent, qui fonctionnent plus que d'autres. Enfin, voilà, expliquez-moi un peu. Et comment vous avez, vous, ce retour ? Parce qu'après, ce serait intéressant aussi, mais bon, de savoir un peu, vous, en fait, vous vous occupez essentiellement de quoi exactement ? Plutôt de papier, d'idées, de concepts ? Et puis, comment vous allez sur le terrain ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, il y a deux questions dans votre question. Hein. Qu'est-ce qui marche dans les communes ? Je crois que ce qui est très intéressant dans le plan, c'est qu'il y a 4 axes. Qui permettent de rencontrer les droits fondamentaux, mais qui sont très ouverts, très souples. Oui, c'est l'accès à un logement décent, l'insertion socio-professionnelle, l'accès à la santé et le traitement des assuétudes, et alors tout ce qui a trait à l'épanouissement culturel et social, les liens intergénérationnels, interculturels. Et donc, les actions qui sont inscrites dans le plan peuvent être attribués à différents de ces axes. Il y a des actions, un jardin communautaire par exemple, peut-être à la fois une action qui renforce le lien dans le quartier, qui renforce la prévention des maladies, la santé, qui aide à mieux se nourrir, qui fournit de l'alimentation. Donc ça peut être mis dans différents axes et nous, ça nous importe peu. Il fallait à un moment donné avoir une classification, mais on a donné la possibilité aux communes de cocher, de s'inscrire dans différents axes, de faire des choses tout à fait transversales, de faire de la coordination aussi. Donc la première chose, c'est le concret et l'ouverture par rapport aux actions qui peuvent être menées. C'est clair qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc nous, on a fait un vademécum avec des actions qui sont éligibles et d'autres qui ne sont pas éligibles, ce qui donne aussi des idées de bonnes pratiques aux communes. Parce que, par exemple, une chasse aux œufs, ça ne nous intéresse pas. Mais une fête de quartier qui se déroule en une journée, mais qui est préparée pendant des mois avec tout le quartier, ça a du sens parce que ça a une vocation d'intégration et de création de liens pendant une durée. Et donc, c'est ça, en fait, la limite entre ce qui est intéressant et pas intéressant pour nous. On ne veut pas de la consommation, on ne veut pas des actions de consuméristes, mais on veut des actions qui aient du sens. On veut que les acteurs réfléchissent au sens de ce qu'ils font. Évite les gaspillages, profite de ce qui existe pour mettre en mouvement, pour se coordonner. Donc, ça permet aussi d'être un peu une pépinière sociale de nouvelles initiatives qui peuvent, à un moment donné, trouver un financement plus structurel, même par ailleurs. On peut lancer un projet, on peut tester un projet dans ce cadre-là. Et donc, nous, on rend un avis sur les plans au gouvernement. Et généralement, le gouvernement nous suit. Et donc, communique notre avis aux communes. C'est ce qui s'est passé les deux fois pour les deux plans. Et les communes sont amenées à corriger leur plan en fonction des remarques. Parce que l'objectif, c'est que le plan soit le meilleur possible. Ce n'est pas d'arrêter des plans, ce n'est pas d'arrêter des communes, c'est de les aider à bien concevoir les choses. Et donc, notre rôle, c'est un rôle de coordination, c'est un rôle d'impulsion, c'est un rôle d'accompagnement. Mais on travaille avec d'autres directions générales qui financent. Donc, on a la direction générale, la DGO5, Action sociale, santé, pouvoirs locaux, qui, elle, finance la partie pouvoirs locaux et la partie article 18, action sociale. Et on a la DGO6, emploi, formation, qui, elle, finance les points APE. Et donc, ça, c'est l'aspect financier, l'aspect contrôle. Nous, on a le rôle d'accompagnement et d'évaluation aussi des plans. C'est-à-dire, concrètement, vous faites comment ? Vous allez sur place voir les projets ? Et je sais, est-ce que vous pouvez essayer de donner un exemple concret de ce qui s'est fait ? Vous êtes allé où, par exemple ? Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Ce n'est pas moi personnellement qui suis les plans. Donc on a ici une petite équipe de 7 personnes, une petite cellule qui accompagne les projets, les différents projets dont on s'occupe, parce qu'il n'y a pas que le plan de cohésion sociale, hein. Il y a aussi d'autres dispositifs. En fait, notre spécialité, c'est tout ce qui est transversal. Donc chaque fois qu'il y a plusieurs sources de financement qui sont actionnées, que c'est un plan qui agit sur plusieurs dimensions, on peut interagir. Donc on a par exemple le plan droit de l'enfant, c'est aussi le suivi, c'est chez nous. L'accueil des gens du voyage, où là aussi c'est ces différentes dimensions qu'il faut activer. Il y a le plan habitat permanent avec les personnes qui habitent en permanence dans les campings, les parcs résidentiels du week-end. Été solidaire, je suis partenaire, une opération qui sera lancée aujourd'hui d'ailleurs, qui est lancé chaque année pour engager des jeunes durant l'été. Et ce qu'on fait, c'est il y a une personne ici qui est responsable d'une vingtaine, 25 communes et qui suit les comités d'accompagnement de toutes ces communes et par rapport au projet que je viens de citer et qui crée du lien aussi entre les projets et qui peut aussi aider la commune par rapport à ce qui se ferait dans une autre commune pour dire « Ah, mais ça, c'est ce que vous avez envie de faire là, mais ça se fait déjà à tel endroit donc, et donne le contact. » Ou bien qui peut relayer une demande de la commune vers un autre service de la région wallonne pour apporter un soutien. Donc on a aussi un rôle transversal. Concrètement, il y a plein de projets très très différents. Il y a des projets, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut développer dans le plan, on peut répondre à un besoin qui n'est pas rencontré de manière structurelle parce que trop propre, trop local peut-être, trop propre à un endroit, trop spécifique. Et donc, s'il y a il y a par exemple les formations au permis de conduire, théorique et pratique. Quand on sait que la formation au permis pratique, elle est hyper chère et que c'est quand même élémentaire pour trouver un boulot, c'est intéressant, ça se fait dans certaines communes. Il y a des épiceries sociales, il y a des lavoirs, des petites entreprises ou services de repassage qui se font. Il y a des maisons de quartier, il y a des haltes garderies par rapport à une formation suivie par les parents. Il y a plein de choses, c'est très très varié et ça va. En fait, ça touche toutes les générations. Donc, auparavant, les plans précédents travaillaient plus sur la jeunesse, visaient plus la jeunesse. Aujourd'hui, c'est vraiment toutes les tranches d'âge qui peuvent être ciblées via le PCS, parce que ça dépend des besoins. Ça dépend vraiment des besoins. On peut avoir des communes où on a plus de besoins par rapport à des personnes précarisées, âgées, ou qui sont très isolées. On peut avoir des communes où il y a énormément de jeunes, mais qui sont perdus, qui n'ont plus de lien avec la formation, ni l'emploi, ni l'école. Donc voilà, c'est les actions sont chaque fois adaptées aux besoins qui ont été déterminés par la commune et ses partenaires. Mais je trouve comme ça que c'est bien à savoir, ce plan de cohésion sociale qui s'attaque un peu à une énorme idée quand même de la pauvreté, de l'exclusion, même si c'est pas ces mots-là qu'on a utilisés au début, c'est quand même de ça qu'il s'agit aussi, hein, des droits fondamentaux pour tous. L'objectif du plan, c'est la lutte contre la pauvreté, hein. Le deuxième objectif, c'est le développement social des quartiers. Donc, c'est clair qu'on cible à la fois dans les actions les populations précarisées, mais on veut aussi éviter de stigmatiser et on veut ramener les populations, mixer les populations aussi, c'est important. Et ça, c'est l'idée de cohésion sociale aussi. Donc, c'est compliqué d'ailleurs à mener parce que quand on fait des activités pour tous, les plus précarisés n'y vont pas. Et donc, il faut veiller à ce qu'on ne perde pas une partie de la population. Et puis, il y a des différences très fortes d'un plan à l'autre. On constate quand même que dans les petites communes rurales, c'est plus des actions qui sont plus générales, plus des actions de lien, de mise en lien, de travail sur la mobilité aussi. J'oubliais par exemple les taxis sociaux. Il y a beaucoup de taxis sociaux dans les communes rurales. La mobilité est un énorme problème. L'isolement aussi. Par contre, dans les grandes villes, on va plus travailler sur l'urgence sociale. L'urgence sociale, c'est les relais sociaux, hein, mais il y a quand même des abris de nuit, abris de jour, du travail qui est plus spécifique aux personnes vraiment précarisées. Donc, le plan, il est pas unique, il se développe. Moi, je crois que c'est vraiment un bel outil. Il se développe à géométrie variable. Il garde le cap du public précarisé, parce que c'est ça, c'est faire en sorte que les précarisés aient accès effectivement à leurs droits. Mais il y a quand même un travail sur la société, sur l'ensemble, pour essayer aussi de mélanger, d'amener les populations à se rencontrer. C'est important, quoi. Oui, enfin là, on sort peut-être du cadre, mais c'est aussi apprendre aux jeunes enfants, enfin l'éducation aussi. Mais là, on sort du cadre un peu, hein, parce que c'est vrai que si je comprends bien le plan de cohésion sociale, bon, ben voilà, c'est en lien avec la commune, on injecte un subside, voilà, on met les choses en place. Mais ça, c'est ma vision, c'est pas que la mienne, hein, mais comme si il faudrait aussi s'attaquer à la racine pour plus qu'il n'y ait, ça c'est évidemment utopique, hein, mais pour pas... La racine, elle est ailleurs, elle n'est pas au niveau communal, hein, vraiment. C'est ça, mais c'est ça que je suis occupée à dire. Ce serait tellement bien que les gens soient autonomes, libres, qu'ils aient les mêmes, enfin, que tout le monde ait les mêmes droits, mais du coup, on n'aurait plus de travail non plus, alors. Ah non, mais ça serait quand même merveilleux. On travaille pour devenir inutile à un moment, hein. C'est ça l'objectif, hein. C'est pas se maintenir au travail, hein. C'est faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de nous, hein. Et moi, je propose que... Enfin, j'allais dire, votre formation à vous, c'est quoi vos ambitions, votre idéal? Comment ça se fait que vous vous retrouvez à ce poste-là? Je suis historienne de formation. Mais j'ai toujours aimé l'histoire socio-économique, c'est ça qui me touchait. Et puis j'ai un grand, grand souci d'égalité, de justice sociale. Et j'avais envie de travailler dans le concret, mais en même temps d'être aussi dans la conception et dans l'impulsion de plans d'action. Et puis j'adore la concertation, ce qui est transversal, les défis. Et donc, c'est compliqué ce dont on s'occupe, c'est vrai. Mais en même temps, c'est tellement riche parce que si on travaille dans la coopération et pas dans la compétition, on fait tellement plus ensemble, c'est formidable. Mais c'est un défi de tous les jours. C'est un défi de tous les jours. C'est pas facile parce que tout le monde ne travaille pas dans cette optique-là. Et donc, comment je suis arrivée ici? J'ai contribué à créer le service, en fait. C'est mon bébé, quoi. Et j'y suis maintenant depuis 22 ans. Donc, ça fait un petit temps. Et c'est toujours renouvelé et c'est toujours aussi passionnant. Avec quand même de grandes avancées, je trouve, parce que maintenant, par exemple, on a lancé en interne à l'administration un réseau de référents cohésion sociale. Et donc, il y a chaque direction générale, chaque organisme OIP, comme on dit les pararégionaux, qui a désigné ou qui a sollicité un agent, une personne qui est notre référent. Et donc, on est en train de développer ce réseau pour réfléchir ensemble à inventorier tout ce qui existe en Wallonie, réfléchir à comment simplifier, réfléchir à la pertinence des mesures, aux rationalisations possibles pour en faire des propositions au gouvernement. Donc, c'est à la fois un travail, je dirais, de terrain et d'accompagnement de projet, de conception, mais aussi un travail de créativité pour que les mesures qu'on met en place soient les plus opérationnelles possibles, les plus efficaces possibles, surtout à un moment où l'argent est compté et où on ne peut pas se permettre de rater l'objectif, on ne peut pas se permettre de gaspiller. Donc il faut faire mieux avec moins. Oui, c'est ça qui se passe aussi, hein, pour le moment. J'imagine que vous voyez un peu le changement suite au nouveau gouvernement aussi, non? Il y a une différence ou bien vous la sentez à peine? Moi, je trouve que le nouveau gouvernement est très désireux de travailler en partenariat, de développer de la coordination, de rationaliser. Je pense que vraiment, c'est agréable parce que... Enfin, ça correspond tout à fait à ma vision des choses, c'est qu'il ne faut pas travailler chacun dans son coin, il faut travailler ensemble, se parler, amener des cohérences entre ce qu'on fait. Bon, on ne peut être que plus efficace comme ça. Donc voilà, moi je pense que j'ai senti effectivement un changement. Mais aussi dans l'idée de penser aux personnes qui ont moins. Puisque oui, aussi, c'est... Tout à fait, parce que, bon, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le ministre-président, Paul Magnette, assure la coordination de la lutte contre la pauvreté, va développer un plan de lutte contre la pauvreté, régional cette fois. mais qui tiendra compte aussi des plans locaux, évidemment. Et donc, oui, il y a une préoccupation forte parce que les inégalités vont croissantes. Et donc, on a aussi, on soutient aussi le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qui est notre interlocuteur aussi par rapport aux plus démunis. Et donc, c'est aussi une manière de garder toujours le lien avec les personnes elles-mêmes qui vivent la pauvreté. Et donc, il y a une série d'acteurs, effectivement, qui sont très conscients de l'urgence d'agir. Et voilà, on est en train de travailler tous ensemble pour faire encore mieux. Bon, ben voilà, moi, j'ai plus rien à vous poser comme question. Madame Karine Janssen. Oui. Janssen, pas Janssens, Janssen. Janssen, oui. Vous voyez quelque chose à dire pour terminer tout ça? Je vous laisse un petit peu de temps. Mais écoutez, moi je voulais simplement dire que si quelqu'un est intéressé par les plans de cohésion sociale, il peut aller voir sur notre site, qui est cohésion sociale sans accent en un mot. wallonie.be. Et puis on va aussi lancer bientôt une petite page Facebook. Donc ça c'est chouette aussi parce qu'il y a plein de communes qui développent un plan de cohésion sociale qui ont déjà leur page. Et donc ça va aussi créer du lien. Et donc on n'hésite pas à venir voir sur notre site parce qu'il y a la liste de tous les chefs de projet avec les contacts. Et comme ça vous pouvez toujours prendre des renseignements sur votre commune et sur ce qui s'y fait. Nous aurons bientôt aussi une petite fiche de présentation de chaque plan sur notre site, faite par les communes elles-mêmes, pour mieux appréhender ce qui se fait localement. Et donc voilà, moi je crois que le mieux, c'est de prendre contact avec sa commune pour en savoir plus. Le premier exercice du genre, mais désormais ce sera une tradition. Chaque année, la Wallonie aura droit à son état des lieux. Les faiblesses, les atouts de la Wallonie sont passés au crible. À la manœuvre, le ministre président de la région wallonne, Paul Magnette, décrypté par Daniel Welter. Un exercice fait pour lui. L'état de la Wallonie par le professeur Magnette, aujourd'hui ministre président. Du grand art de captiver son auditoire. L'objectif d'un tel exercice n'est pas de venir avec un discours unilatéral qui vous dirait « Mesdames et messieurs, tout va très bien, tout est parfait en Wallonie et vous avez le meilleur gouvernement du monde ». Alors Paul Magnette va droit au but. Tout n'est pas parfait, mais la Wallonie va beaucoup mieux. La Wallonie s'est remise dans le train de la croissance et de la production autant belge qu'européenne. Bref, la Wallonie qui rattrape son retard, l'opposition est sceptique. Monsieur Spitzal disait déjà ça, Monsieur Van Kovenberg disait aussi, Monsieur Di Rupo l'a dit aussi, Monsieur De Motte l'a dit aussi. Pour la cinquième fois, j'ai un ministre-président qui nous dit ça aussi. Moi, j'aimerais qu'il y ait des réalités, qu'on voit qu'en Wallonie, on ne soit plus toujours comme on l'est aujourd'hui, hein, à deux fois plus de chômeurs qu'en Flandre. Mais le professeur Magnette ne se laisse pas impressionner. Il préfère se tourner vers le futur, l'innovation. Notre tragédie wallonne, c'est de n'avoir pas compris dans les années 50 et 60 qu'une nouvelle révolution technologique était en train de se produire et d'avoir simplement maintenu nos entreprises existantes. Il ne faut pas que cette tragédie se reproduise. Écolo regrette un état des lieux qu'il juge partiel. On ne parle pas de pauvreté, on ne parle pas du bien-être de la population, on ne parle pas des indicateurs environnementaux qui sont alarmants. Si le fond ne fait pas l'unanimité, la forme a clairement séduit. Chaperon rouge, qu'est-ce qui se passe? Il y a un loup. Et le loup, il se déguise en grand-mère. Et le loup, il a mangé la grand-mère avant, et puis il faut qu'il est déguisé en grand-mère. Il mange chaperon rouge. Le petit chaperon rouge ne se fait pas manger par le grand méchant loup. Le grand méchant loup, comme vous le savez sans doute, se déguise en mère grand. Mais le chaperon rouge est malin. Il comprend que celui qui dit « je suis mère grand et c'est moi qui suis gentil avec vous », dans le fond, c'est celui-là qui veut véritablement le manger. On n'a pas toujours les amis que l'on croit. Le chaperon rouge, pour parler de la fragilité des PME wallonnes, il fallait y penser. Pigeon, sans nichoir, mais déjà bagué. C'est plus fort que moi, voyez-vous, toute petite, déjà j'avais comme un faible pour les spécimens déclassés, mais alouette, gentil alouette, par les sirènes des miroirs ne te laisse pas tenter. Car les chassiers au long col, convaincus d'avoir trouvé sa poule aux œufs d'or, dévoilent tôt ou tard des dents de loup et le coucou, coussi, coussa, parfois bon coup, parfois pas, s'incruste dans ton nid et puis prend ses jambes à son cou. Mais que voulez-vous? Je suis anthropologue. parmi les bêtes en troupeau. J'ai donné de ma peau. Un jour, je m'en ferai un manteau. Et j'ai certes trop de classe que pour t'abreuver de noms d'oiseaux, mais forcé de constater que les graines que je sème dans ta tête de linotte font trois petits tours et puis s'en vont. Que les martins, prêcheurs et leurs discours volent aussi bas qu'une hirondelle avant l'orage. Que les cigognes, quoi qu'on en dise, ne sont jamais que de passage. Que les canaris jaunes quand les mouettes ricanent des goélands en goguette. Et que les charognards, toujours, guettent. Je suis amphibiolove, chercheuse d'amour entre deux eaux. Je m'y suis rompue les os. Un jour, je m'en ferai un bateau. Cela dit, loin de moi l'envie de faire l'autruche et par le truchement d'un cœur bien accroché à mon sac à dos, je fais taire Calimero et le nez au ciel, j'affûte mes appos. Ni grue, ni bécasse, je guette l'oiseau rare et en attendant, je continuerai à bouffer du merle jusqu'à en trouver un qui soit blanc. Je suis ornithologue. Je collectionne les drôles d'oiseaux. J'y ai laissé des plumes, mais j'en ai gardé une pour écrire. C'est plus qu'il n'en faut. Aujourd'hui, dans le monde actuel, effectivement, est-ce qu'il y a encore des langues qui ne sont qu'orales ? Bien entendu. Non seulement il y en a, mais j'ai peur que ce soit la majorité. Pas vrai. Des langues qui n'ont pas d'écriture, des langues dans lesquelles l'exercice de la parole ne s'est pas nécessairement accompagné de l'invention d'une écriture qui, je le répète, est une invention. Nous pouvons la dater de manière précise pour nombreuses cultures. Nous savons quand, à une époque vertigineusement ancienne mais repérable, l'écriture a commencé en Chine, quand elle a commencé à Sumer, en Égypte, je cite les trois les plus anciennement connus. Et nous savons aussi, pour celles qui ont été alphabétisées plus tard, quand a commencé l'écriture dans tel ou tel pays d'Europe. Et les langues dont vous me parlez, qui sont majoritaires, sont celles dans lesquelles l'exercice de la parole se passe d'écriture, parce qu'il est parfaitement possible de parler sans écrire. Si nous disions que l'écriture est définitoire de l'espèce, nous aboutirions à cette invraisemblance, non seulement raciste, mais peu importe, mais scientifiquement fausse, que les gens qui n'écrivent pas leur langue, en somme, sont du moins humains, ou ont quelque chose à défalquer sur l'humain chez eux, par opposition à ceux qui ont l'écriture. En somme, c'est pourquoi je n'aime pas parler de langues sans écriture, mais de langues orales. Précisément. On a tous commencé par parler avant d'écrire. En plus, oui, absolument. Et quelquefois même, on y reste. Ceux qui n'ont pas été alphabétisés. Oui, oui. Puis ce qu'il faut ajouter, c'est que ces langues sans écriture ont des systèmes optiques, ils ont des systèmes de signes, de gestes, de dessins qui sont plus ou moins codés, ce qui fait qu'en fait, aucune culture n'est dépourvue de ce type de réalisation. Il y a mieux encore. Maintenant, est-ce qu'on peut bien parler une langue sans, quand on ne l'écrit pas ? Bien entendu. Ça, je ne crois pas. Bien entendu, si. On peut bien la parler. Mais bien entendu. Quand on n'a pas vu les mots écrits. Pour quelle raison ? Au contraire, l'écriture peut être un obstacle, puisque l'écriture, souvent, voyez l'orthographe française, que les enfants ont tant de mal à apprendre, s'éloigne de la prononciation. Par conséquent, elle peut être un obstacle. Mais vous qui connaissez tellement de langues, vous savez très bien, quand on commence à apprendre une langue, il faut apprendre le verbe. Si on n'a pas des points de repère très vite, la langue, ça fait une espèce de « what do you want ?» Il faut l'avoir vu quand même, il faut l'avoir vu écrit sans ça. « What do you want ?» What do you want? What do you want? Écoutez, Monsieur De Vos, à un de vos sketchs à Montparnasse de Gaston Bâti en septembre 82, vous avez imité le japonais. Vous souvenez-vous? Ah oui. Vous n'avez jamais vu le japonais écrit que ça. Pas et bien cependant, votre imitation était remarquable. C'était une voyelle japonaise qui existe. C'était. Mais c'est ça. Ça existe. Noter. Oui, mais vous n'aviez pas vu écrit et pourtant vous l'imitiez. Vous êtes un grand admirateur de De Vos. Je suis un spectateur admiratif, oui. Ah ouais. J'aime cette façon de se prendre la langue dans l'étoile d'araignée des mots. J'aime qu'il soit ce qu'il est. C'est un prince de l'absurde, mais un prince sans rire. Alors écoutez, vraiment, tous les... Bravo, frère. Je vole la face, c'est pas possible. Merci. Écoutez, mais je dois vous dire que j'ai pris un tel plaisir. C'est pas pour vous rendre la monnaie, oui. Mais c'est parce que votre livre est un livre extraordinaire. Ouais, mais enfin, non, c'est un livre de chevet, hein. Ouais, pour les gens qui aiment. Ah non, mais justement. Vous n'avez pas éprouvé quelques difficultés à lire cet ouvrage ? Je suis désolé, monsieur Pivot, pas trop. S'il y a des choses qui vous échappent, vous m'appelez au téléphone. Je suis certain, je suis fasciné sans ingénuité, qu'il est sincère. Ouais. Car il est un prince de la syntaxe, ouais. Et il est un homme de langage. Par conséquent, un livre sur le langage, même, je le reconnais, un peu difficile par moment, a peut-être des titres à être, peut-être pas un livre de chevet, mais un livre qui le concerne. Mais je ne peux pas vous dire le plaisir que j'ai pris à lire. Allez, je ne l'ai pas lu entièrement. Ce n'est pas possible. Bon, il faut le relire. Mais c'est fabuleux. Hein. Ouais. C'est de la grande poésie. Bon, voilà ce qu'il faut dire. Dernière question. La langue, bien entendu, c'est un patrimoine qui appartient à un pays, ou parfois à plusieurs pays. Quand il y a des dictateurs, est-ce qu'on a observé une action virulente de ces dictateurs pour changer la langue? Est-ce que ça existe? Ça a existé, mais généralement, ça a abouti à des échecs sanglants. La langue peut être prise en main par des réformateurs, par des gens qui planifient, qui réforment le vocabulaire. Certaines grandes langues humaines ont connu cette histoire, le hongrois, le finnois, le néo-norvégien, l'arabe, l'hébreu israélien. Mais une langue entre les mains d'un seul homme, dont la volonté essaye d'imprimer à la langue une nouvelle destinée, ça n'existe pas. Ou quand ça a tenté d'exister, ça s'est soldé par des échecs. En revanche, ce qui existe, et qui malheureusement, sous nos propres yeux, et tout au long de l'histoire, est illustré par un grand nombre d'exemples, et d'exemples funestes, c'est l'usage de la langue à des fins de tyrannie, de despotisme. Je cite ici la manière dont Staline parle de la langue, en disant que la langue est quelque chose qui intéresse profondément les États, et en particulier Staline, parce que c'est un problème politique. Que voulait-il dire? Eh bien, il voulait dire que la langue, entre les mains de ceux qui savent la manier, ceux qui savent la mettre en parole, est un instrument de pouvoir considérable. Et je cite également un passage que j'emprunte à une étude sur le discours soviétique, dans lequel on montre que la fameuse langue de bois, dont il est si souvent question dans la presse occidentale, c'est quelque chose qui relève d'une analyse technique. Le linguiste peut en dire quelque chose de précis. C'est une langue, c'est un russe, dans lequel il y a une abondance de noms au détriment des verbes. Pourquoi tellement de noms et si peu de verbes? Eh bien, on peut l'expliquer en prenant un parallèle français. Le français, sur ce point, bien que différent du russe, peut très bien illustrer la chose. Si je dis en français « les peuples luttent contre l'impérialisme », ma phrase est finie. On peut m'interrompre, on peut me contredire, on peut contester. Tandis que si je dis « la lutte », en prenant le substantif « la lutte » et non pas le verbe « les peuples luttent » qui donnerait une phrase complète. « La lutte des peuples contre l'impérialisme », l'intonation indique que la phrase n'est pas achevée. La phrase n'est pas finie, par conséquent, j'ai réussi, en remplaçant le verbe par un substantif, à esquiver l'attaque et à éviter d'avoir à me justifier. N'est-ce pas de même? Et vous avez posé une essence et une entité. Tout à fait, j'ai posé une essence c'est ceci. Quand on remplace un verbe par un nom, on remplace un procès contestable par une entité incontestable qui s'impose par sa nominalité, si je puis dire, avec un mot dont vous expliquerez la complexité. Et l'énoncé, en plus, n'est pas fini. La lutte des peuples contre l'impérialisme, etc., a abouti à des libérations. Le pauvre malheureux qui penserait que les peuples n'ont nullement lutté contre l'impérialisme ne peut pas objecter. Et c'est ainsi, c'est une idée technique de la langue de bois. Mais quand vous êtes en famille, avec des amis, est-ce que vous observez la manière dont les gens parlent et vous en faites des déductions? Est-ce que, au fond, simplement, vous écoutez autre chose que ce qu'ils disent? Assez souvent, je dois faire attention pour m'obliger à écouter le fond. Mais méfions-nous. Après, parce que vous êtes très dangereux. Je dirais sans vouloir m'enliser dans l'insignifiance, qu'assez souvent, hélas, la teneur des propos n'est pas telle qu'elle mérite qu'on s'arrête à leur contenu. Ah, ça c'est. Hein? Et ce soir, quand même, ça a une certaine tenue. Certainement. De la langue de bois, mais elle a quand même été adoptée dans tous les pays totalitaires. Comme moyen de pouvoir. Comme moyen de pouvoir. Oui. Et même en France, les communistes parlent avec une langue de bois. On parlait pendant très longtemps avec une langue de bois. Et elle a quand même été très forte. Elle a quand même imprégné très fortement notre langue et notre discours, puisqu'on reprend les mêmes termes. Il y a des mots qu'on a appris à cause de la langue de bois. Lorsque je dis que les dictateurs s'en servent comme instrument de pouvoir, je veux dire qu'ils ne font que monter au degré au-dessus d'usage. Mais évidemment, tout gouvernement est tenté de se servir d'une langue dans laquelle les réalités sont masquées, deviennent clandestines, et où on réussit, par pression sur les esprits, à faire avaler n'importe quoi. Disons que les cas que je cite, en essayant d'être le moins malveillant possible, sont ceux où elle devient un instrument systématique de pouvoir. Oui. Est-ce qu'il existait des langues anciennes où il y avait déjà une langue de bois? Oh, certainement. Oui. Nous le savons, bien que nous n'ayons pas de traces autres que d'hiéroglyphes, disons, qui sont des hiéroglyphes administratifs, et indiquant des rapports juridiques, des rapports de vie quotidienne dans l'Égypte ancienne, nous savons pour l'Égyptien ancien. Ouais. Il y a eu certainement une façon de faire passer des messages. Pour ne citer qu'un exemple qui est assez frappant, lorsque l'on dit le domestique du pharaon, n'est-ce pas? Eh bien, l'ordre des mots en Égyptien ancien, dont l'héritier aujourd'hui est le copte, une langue qui se parle en Égypte à côté de l'arabe, qui est l'héritier direct du vieil Égyptien pharaonique qui a disparu depuis des millénaires, eh bien, pour dire le serviteur du pharaon, on doit dire, comme en français, dans le même ordre, le serviteur vient avant et pharaon vient après, le contraire de l'ordre anglais avec un S ou en inverse. eh bien, dans l'hiéroglyphe que nous avons, assez souvent, on dit pharaon serviteur, qui est une violation de l'ordre des mots d'Égyptien ancien, parce qu'il n'est pas normal que le serviteur soit cité avant le pharaon. Il y a donc une violation, une transgression de la syntaxe, parce qu'il faut que l'on sache que la dignité pharaonique doit être citée en premier. Ouais. Voilà donc un type dans lequel l'instrument de pouvoir est là, dans la langue, à travers la transgression de la grammaire elle-même.